téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Alors que le laboratoire américain Pfizer a annoncé en début de semaine avoir mis au point un vaccin apparemment très efficace et que la planète entière s'emballe, à l'exception notable de la France, toujours très réticente à la vaccination, alors que le nombre de cas de contamination par jour a frôlé samedi dernier les 90 000, atteignant un plus haut historique, alors que ce même lundi, le Parlement a adopté en commission mixte paritaire le texte définitif du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui est puissamment dénoncé par les syndicats comme un texte qui augmente fortement la précarité des chercheurs, quel meilleur invité que le président de l'INSERM, Gilles Bloch. Gilles Bloch est notre invité spécial pour l'heure qui vient et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la méthode scientifique. Bienvenue. Bonjour Gilles Bloch. Bonjour Nicolas Martin. Nous allons revenir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui. On va revenir en votre compagnie sur les sujets d'actualité que je viens d'énoncer ainsi que vos projets pour l'institution que vous dirigez. On va reparler également un peu de votre parcours et de vos ambitions pour l'INSERM. Mais on commence comme chaque jour par l'actualité scientifique du jour avec le Journal des Sciences Confinées et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal, Natacha, avec une étude parue dans The Lancet Psychiatry. Après s'être rétabli du Covid-19, un patient sur cinq souffrirait de troubles psychiatriques. Et les chercheurs de l'université d'Oxford en Angleterre ont suivi les données de plus de 69 millions d'Américains, dont plus de 62 000 cas de Covid-19. Il en sort que dans les 90 jours qui suivent l'infection, un malade sur cinq développe des troubles psychiatriques. L'anxiété, la dépression, l'insomnie et même des troubles de stress post-traumatique. C'est le cas même pour ceux qui n'ont pas été hospitalisés et même pour ceux qui n'ont aucun antécédent psychiatrique. Si on compare à d'autres affections, comme la grippe, les calculs rénaux ou les fractures, pour la Covid-19, le risque de problèmes de santé mentale est multiplié par deux. Pourquoi y a-t-il un plus grand risque chez ces anciens malades? Est-ce lié au traitement? Est-ce que ce sont des symptômes neurologiques inattendus? Entre les stress psychologiques liés à cette pandémie, les mesures de distanciation sociale et les effets physiques de la maladie, les causes sont probablement multifactorielles. Mais selon les auteurs de cette étude, il est urgent d'enquêter sur les causes et d'améliorer le suivi des malades de la Covid-19. Voilà, on reviendra très prochainement, à la fin du mois précisément, un lundi, je crois que ce sera le 30 novembre, sur les conséquences psychiatriques de cette pandémie de Covid. On vous tiendra évidemment informé de notre programme dans les prochains jours. Et on passe au bref. Selon les dernières données publiées par Géodes, l'Observatoire cartographique de santé publique France, le taux de reproduction du Covid a chuté, Natacha. Le fameux RE, le R effectif, c'est un indicateur qui permet d'estimer si l'épidémie de Covid-19 régresse ou progresse. Ce RE baisse et il est à présent à 0,93 à niveau national, ce qui signifie qu'en moyenne, 10 malades ne contaminent plus que 9 personnes. Avant ce deuxième confinement, nous étions à 1,42, c'est un taux encourageant qui est similaire à celui du 1er juillet. L'épidémie semble entrer en phase décroissante, mais il faudra attendre encore quelques semaines pour voir une baisse significative des admissions dans les hôpitaux. Selon une étude parue dans la revue eLife, une équipe internationale a découvert un gène caché du SARS-CoV-2. Et cela fait 10 mois que les généticiens étudient sous toutes ses coutures le SARS-CoV-2 qui possède une quinzaine de gènes. Ces chercheurs ont découvert, dissimulé dans une chaîne de nucléotides, ce qu'on appelle un gène chevauchant, c'est-à-dire un gène dans un gène. Il a été baptisé ORF3D, il est superposé à un autre gène et il exprime une protéine différente. Alors pour le moment, on ne connaît pas son rôle et on ne sait pas encore ce que fait la protéine fabriquée par ORF3D. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Cretaceous Research, un fossile de dinosaure à bec de canard vient d'être découvert en Afrique. Et c'est un fossile vieux de 66 millions d'années. Il a été découvert au Maroc, pas loin de Casablanca, et il provoque une grande surprise. Car à la fin du cétacé, ces herbivores de 3 mètres de long sont d'abord apparus en Amérique du Nord pour s'étendre en Amérique du Sud, en Asie, puis en Europe. Mais on ne pensait pas en trouver en Afrique, puisque le continent était à l'époque une île. Alors deux hypothèses sont avancées, soit les dinosaures à bec de canard étaient d'excellents nageurs, soit ils ont traversé la mer sur des radeaux de débris. C'est possible, cela a déjà été le cas pour certains mammifères de Madagascar. Néanmoins, donc cette découverte prouve que les dinosaures ont été capables de grandes traversées océaniques. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine et également le journal de la science-fiction. Gilles Bloch, peut-être une réaction comme ça à chaud sur l'actualité de ce journal des sciences ou sur l'actualité scientifique de la semaine? Alors peut-être un commentaire rapide sur la première information importante là sur le papier relatant l'impact sur les maladies psychiatriques. Bon. On observait depuis des semaines et des semaines des signaux d'alerte, à la fois sur les malades qui, et c'est une hypothèse intéressante, peuvent démasquer des pathologies parce que la maladie est un énorme stress, parce que on l'a vu avec la perte de l'olfaction, il y a un impact neurologique direct, donc le cerveau d'une certaine façon est atteint par la maladie. Et puis on sait aussi par beaucoup d'observations, et c'est bien d'avoir une belle étude qui confirme ça, que la population générale dans les pays qui sont touchés par l'épidémie, donc parmi des personnes qui n'ont pas eu la maladie, on voit une recrudescence de maladies psychiatriques qui peuvent parfois prendre des formes gravissimes. C'est vraiment des observations. J'ai des collègues psychiatres qui me racontaient qu'ils ont vu monter en flèche des cas de suicide chez des jeunes. Tout ça, c'est lié à un stress global, à des conditions de vie qui ont été bouleversées et qui peuvent là aussi démasquer des fragilités sous-jacentes. Vous avez le sentiment, Gilles Bloch, que justement le suivi psychiatrique ou en tout cas les soins psychiatriques ou psychologiques sont un peu une sorte d'angle mort de cette lutte contre l'épidémie de Covid et qu'il y a quelque chose, peut-être un effort à consentir spécial aujourd'hui pour non seulement les patients mais également le personnel soignant et les chercheurs dans ce domaine? Alors écoutez, je crois que la première vague nous a montré que la mobilisation générale autour de la lutte contre la maladie Covid-19 a fait que la prise en charge de patients dans beaucoup d'autres domaines a été ralentie, voire négligée. Et on n'a pas encore beaucoup d'études documentées là-dessus, mais on va probablement voir une morbidité, voire une mortalité induite sur des pathologies fréquentes comme le cancer ou comme les maladies cardiovasculaires. Moi, j'ai aussi des collègues de l'INSERM qui me rapportent des observations sur l'hypertension. Des maladies chroniques de ce type-là ont mal été suivies pendant la période de confinement et ça aura nécessairement un impact au niveau de la population générale. La psychiatrie est un exemple particulier. On est sur des pathologies où effectivement des facteurs de stress, comme je l'ai mentionné, peuvent avoir un effet majeur. On est sur une recherche qui est peut-être moins bien armée, dans notre pays. Et je crois que on y reviendra, j'espère, en cours d'entretien. C'est un domaine qu'il faudra globalement qu'on renforce et en tout cas en sortie de crise et même en mobilisation sur la deuxième vague, il faut que les soignants se mobilisent et que la recherche se mobilise aussi sur ce front de la santé mentale. Hein. Vous l'aviez évoqué, hein, on en reparlera tout à l'heure, Gilles Bloch, hein, dans votre plan stratégique pour l'INSERM 2021-2025. Hein, lors de votre prise de fonction, vous avez dit que vous vouliez mettre l'accent sur la santé mentale. Vous nous expliquerez dans quelques minutes en quoi cela consiste. Peut-être un mot également sur cette annonce de Pfizer et de ce laboratoire allemand sur le vaccin. Est-ce que, à titre individuel, à titre personnel, vous êtes plutôt satisfait de cette annonce? Est-ce que vous êtes prudent? Comment est-ce que vous l'avez accueilli? Alors, moi, je suis plutôt satisfait, c'est-à-dire que la science avance dans un laboratoire pharmaceutique international, c'est bien. Je crois que les résultats qu'on ne connaît pas encore dans le détail hein, sont des résultats très encourageants. Hein, c'est une étude menée sur un gros échantillon. On voit diminuer clairement le nombre d'infections dans le groupe qui a été vacciné. Après, il faut être prudent. Les résultats détaillés ne sont pas encore disponibles pour être examinés par les spécialistes. Bon, notamment, il y a des questions qui se posent. Est-ce que c'est un vaccin qui sera efficace sur les personnes les plus fragiles, hein? On pense aux personnes âgées, on pense aux personnes avec des comorbidités. Là, on n'a pas de données. Est-ce que sur les formes sévères, puisque ce qu'on cherche à atténuer de manière importante, c'est les cas les plus graves qui induisent de la mortalité. Et là, il n'y a aucune donnée disponible aujourd'hui. Est-ce qu'on réduit les cas sévères ou est-ce qu'on réduit juste les cas globalement et que peut-être que les cas sévères ne seront pas réduits? Donc tout ça, ça doit être creusé. Et puis, il y a un élément de vigilance, c'est que c'est un vaccin sur une nouvelle plateforme technologique, hein, un vaccin à ARN. Hein, je rentrerai dans le détail si vous le souhaitez. Il y a plusieurs types de vaccins et ça, c'est un nouveau type de vaccin qui n'avait jamais été déployé à grande échelle. Et donc, lié à ce type de vaccin, il y a une logistique qui risque d'être compliquée puisqu'il faut que les échantillons, les doses de vaccins soient stockées à moins 80. Et on imagine qu'en termes de chaîne de distribution, ça peut poser des problèmes, notamment si on imagine de regarder vers les pays moins avancés où ça va quand même être compliqué à déployer. Voilà, donc il y a vraiment des signes encourageants, mais des points d'interrogation qui, je pense, vont être éclaircis semaine après semaine. Hein. Oui, et j'indique d'ailleurs à nos auditrices et à nos auditeurs que ce sera l'objet de la radiographie du coronavirus demain matin dans les matins de Guillaume Erner, radiographie que je produis toutes les semaines avec l'aide d'Alexandra Delbo sur les coups de 7h15 où on aura le temps de discuter justement un peu de certaines des doutes que vous mentionnez ou en tout cas des précautions pour le moment à avoir puisque comme vous le mentionnez, Jim Block, pour le moment, tout ce dont on dispose, c'est un communiqué de presse et il manque encore pas mal de données pour connaître exactement les effets précis de ce candidat vaccin. Peut-être un mot tout de même, une petite déception que ce ne soit pas le fruit du travail d'une équipe française? Alors écoutez, bien sûr, on aurait aimé pousser un grand cocorico, mais bon, c'est une compétition énorme. C'est une compétition où ce sont les grands groupes les plus avancés qui avaient des plateformes technologiques rapidement déployables qui ont pris les devants. Moi, je pense que c'est une course qui va se continuer parce que, comme je le disais, il faut vraiment voir sur quelle population ce vaccin pourra être efficace, quelle sera la praticité de son déploiement sur le terrain. Et donc, je dirais que, un, il faut surtout pas baisser la garde sur la recherche parce qu'il faudra peut-être plusieurs vaccins sur le marché pour toucher différents sous-groupes de population et puis un petit peu de concurrence et d'émulation, c'est toujours bon. Ensuite, il faut surtout, même si on a tendance à se réjouir, ne pas baisser la garde sur les gestes barrières, sur toutes les mesures que les États en Europe et ailleurs dans le monde ont pris pour protéger nos populations, parce que la vaccination à grande échelle prendra des mois, peut-être des petites années, même si on a un vaccin qui fonctionne. Et donc, il faut qu'on continue à vivre avec ce virus pendant encore une longue période. Et donc, il ne faut surtout pas baisser la garde. Voilà. Absolument. Et puis je précise, tant qu'à faire, que ce sera la mercredi prochain. On consacrera une heure entière justement à la recherche vaccinale pour comprendre non seulement le vaccin de Pfizer, mais pas uniquement ce vaccin-là, les différents vaccins. Il y en a un qui est en cours de développement, notamment par l'Institut Pasteur, les différentes stratégies, et pour préciser un peu justement ce que pourrait être un calendrier vaccinal idéal qui nous permettrait de revenir à une sorte de vie un peu plus normale qu'auparavant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous recevons donc Gilles Bloch, président de l'INSERM, tout au long de cette heure. Il y a une question tout de même aussi que je voulais vous poser, Gilles Bloch, sur une actualité qui est un petit peu plus distante, puisque on a la chance et le privilège, on peut pas faire cocorico pour le moment pour le vaccin, mais on a pu faire cocorico il y a quelques semaines grâce à un prix Nobel, le prix Nobel d'Emmanuel Charpentier, qui est un prix Nobel de chimie, mais qui est tout de même de la biologie moléculaire, puisqu'il s'agit de l'invention et de la découverte des ciseaux moléculaires, des ciseaux génétiques CRISPR-Cas9. Aujourd'hui, Emmanuel Charpentier, c'est certes une chercheuse française, mais quand on entend, quand on écoute ses interviews, elle n'a pas la dent très tendre avec le milieu de la recherche française. Est-ce que c'est un prix Nobel un peu amer pour vous que Emmanuel Charpentier aujourd'hui dise à qui veut l'entendre qu'elle n'aurait pas pu mener ses études en restant en France? Bah écoutez, je crois que c'est un constat sur une période passée. Clairement, la France a vécu une période, je dirais, d'une bonne décennie, hein, c'est post-crise financière de 2008, de disette budgétaire. Ça n'a pas permis à la France de perdre trop de place, hein, dans les classements internationaux, mais on a vécu des temps difficiles. Moi, ce que je crois sincèrement, c'est qu'on a maintenant un engagement gouvernemental, on y reviendra, je pense, un peu plus tard, sur une loi de programmation de la recherche avec des enveloppes financières assez massives, et ce que j'espère, c'est que un jour on aura à nouveau un prix Nobel de médecine français ou étranger, mais acquis avec des travaux sur le sol français. De médecine, de physique ou de chimie en l'occurrence. Gilles Bloch, on va revenir évidemment sur la crise du Covid, sur le rôle que l'INSERM a joué d'ailleurs depuis l'apparition du virus, ainsi que sur bien ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire cette récente loi de programmation pluriannuelle de la recherche dont le texte vient d'être arrêté en commission mixte paritaire par le Parlement. Peut-être un mot aussi pour vous présenter, puisque vous avez pris vos fonctions il y a un peu plus d'un an maintenant, et peut-être que le public ne vous connaît pas encore très bien, donc je vous propose de faire une sorte de petit CV résumé, et puis on s'arrêtera et vous me direz s'il y a des choses à rajouter et des choses à préciser. Vous êtes né en Guadeloupe en 1961, vous êtes polytechnicien promotion 84, puis docteur en biophysique moléculaire, que vous avez une thèse que vous avez passée à la Sorbonne en 89. Sur quel sujet précisément? Alors c'était de la biologie structurale sur des petits ARN, des petits fragments, c'est d'actualité, hein, d'ARN, avec une technologie qui explosait à l'époque dans le domaine de la biologie structurale, qui faisait suite à la cristallographie, qui est la résonance magnétique nucléaire. Mmh. Voilà. Vous intégrez après cela le CEA, d'abord au laboratoire de spectroscopie RMN du service hospitalier Frédéric Joliot, avant de devenir chef de ce service, puis directeur adjoint de la direction des sciences du vivant du CEA. Nous sommes en 2001, c'est ça? J'ai oublié des choses, vous voulez ajouter des éléments? Bon, peut-être des petits éléments de contexte. Bon, l'X, c'était une promotion 81, puisqu'on compte l'année d'entrée, donc mais 84, c'est l'année de sortie. Sortie, pardon, autant pour moi. Oui. Voilà, j'ai pas été responsable du SHFJ, mais responsable quoi du service hospitalier Frédéric Joliot, mais responsable de toute la partie recherche méthodologique. Et puis, je pense que vous n'avez pas mentionné, et moi, c'est quelque chose qui m'a quand même bien aidé dans mes recherches et ensuite dans mon parcours, c'est que j'ai fait aussi de la médecine. C'est-à-dire, je suis un scientifique à l'origine, mais j'ai fait aussi des études de médecine qui ont élargi, je pense, ma compréhension de pas mal des recherches que j'ai conduites et puis des sujets que je suis amené à gérer depuis quelques années. Bien sûr. C'est, disons, alors à partir de 2002 que votre carrière prend un tour, disons, plus politique. D'abord comme conseiller pour les sciences du vivant, la santé et la bioéthique au sein du cabinet de la ministre déléguée à la recherche de l'époque qui s'appelle Claudie Aigneré. Puis suite à la création de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, vous en prenez la tête en 2005. Puis sur décision cette fois-ci de Valérie Pécresse, vous êtes nommé directeur général de la recherche et de l'innovation au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous sommes en 2009, peut-être là aussi des ajouts, des précisions. Oui, alors c'est le diable est dans les détails. Et bien sûr, je vous en prie. Hein. C'est pour ça que je vous soumets ce petit résumé qui est parfois un peu court, un peu rapide. Mon arrivée au ministère en tant que DGRI, c'était en 2006 et c'était François Goulard. C'est François Goulard, autant pour moi. Qui m'a accueilli et puis ensuite j'ai accompagné Valérie Pécresse pendant une bonne paire d'années aussi. Mmh. Vous faites un petit break entre 2009 et 2015 où vous retournez au CEA à la tête des sciences du vivant, c'est bien cela? Oui. Et puis en 2015, vous êtes élu président de l'université Paris-Saclay. Vous êtes le premier président élu à cette fonction pour cette université. Vous reconnaissez vous-même que cette présidence connaît beaucoup de turbulences. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh ben, on était dans une période de construction hein, qui était complexe puisque il fallait essayer de faire paître 19 établissements initialement dont certains n'avaient pas très envie de jouer collectif avec des universités et on a bien vu que il y a eu des grosses turbulences puisque le projet initial qui incluait entre autres l'école polytechnique s'est scindé, voilà. Donc ça a été des moments parfois difficiles parce qu'on a toujours un petit peu de peine quand on voit un projet diminuer d'ampleur, mais qui finalement a bien abouti puisque l'université Paris-Saclay a été créée dans une nouvelle forme d'établissement expérimental et figure maintenant très visible dans les palmarès internationaux. Votre candidature est finalement retenue fin 2018 pour prendre la suite d'Yves Lévy à la tête de l'INSERM après une succession un peu mouvementée qui est liée au potentiel conflit d'intérêts qui avait été relevé autour d'Yves Lévy puisqu'il était candidat à sa propre succession mais également époux de la ministre de la Santé de l'époque Agnès Buzyn. Et à votre prise de fonction, Gilles Bloch, en janvier 2019, vous disiez qu'il fallait remédicaliser l'INSERM, c'est-à-dire, ça veut dire quoi remédicaliser l'INSERM? Alors, bon, c'est un constat qui n'est pas très original et qui a été réitéré par plusieurs directeurs généraux et PDG. Ce que ça veut dire de manière précise, c'est qu'aujourd'hui, dans les chercheurs de l'INSERM, il y a un peu plus de 2000 chercheurs, un peu plus de 3000 ingénieurs, techniciens et personnel administratif. Et parmi les 2000 chercheurs, il y a moins de 200 médecins chercheurs. Et donc, les forces médicales qui sont dans les unités de recherche de l'INSERM sont essentiellement des médecins hospitalo-universitaires ou quelques médecins hospitaliers qui ont des activités de recherche. Et je pense que pour un bon équilibre, c'est important d'avoir aussi des médecins chercheurs qui dévouent complètement leur carrière à l'organisation et au management des unités de l'INSERM. Et donc, je pense qu'il faut qu'on rende les carrières plus attractives parce que pour des médecins, il y a d'autres débouchés qui peuvent être nettement plus intéressants. Et puis ensuite, il faut sensibiliser très tôt les médecins à ce qu'est la recherche. Il y a pas mal d'expériences qui ont été conduites ces dernières années, dont l'école de l'INSERM avec la Fondation Bettencourt Schuller qui a lancé cela. Et parce que je suis persuadé que le virus de la recherche, ça s'attrape jeune, ça s'attrape tôt, et que pour devenir un chercheur temps plein dans un laboratoire, avoir très tôt fait de la recherche pendant son cursus, fait une thèse, ça permet d'orienter sa vie vers une activité de chercheur temps plein. Donc je pense que c'est ça derrière la notion de remédicalisation de l'INSERM. C'est quelque chose qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'autres débouchés pour les médecins. Mais on s'emploie avec des universités partenaires à essayer de travailler pour mieux attirer les médecins vers les carrières de chercheurs. Et puis bien sûr, l'autre aspect, mais là on est déjà dans une réussite intéressante, c'est d'avoir beaucoup de médecins hospitaliers dans les laboratoires de l'INSERM, mais ça, je dirais qu'on est déjà très, très, très médicalisé de ce point de vue-là. Mais alors, il y a certains observateurs que vous pourrez peut-être qualifier d'esprit chagrin, s'étonner de cette volonté de remédicaliser l'INSERM parce que on estimait que, bien, lors de vos passages au ministère de la Recherche, vous aviez notamment travaillé à enterrer ce qu'on appelle les IHU, les instituts hospitalo-universitaires, qui sont précisément des lieux de contact entre la recherche et la médecine. Comment est-ce que vous expliquez ça, Gilles Bloch? Alors, je ne vois pas pourquoi on me prête ce fait, parce que j'avoue de ne pas avoir beaucoup côtoyé les IHU jusqu'à mon arrivée à l'INSERM. Hein, à aucun moment, j'ai eu à m'occuper des IHU précédemment. Donc, il y a peut-être une confusion sur les personnes. Et aujourd'hui, en tant que PDG de l'INSERM, nous travaillons collectivement au niveau de la direction de l'INSERM en très bonne entente avec la plupart des IHU où l'INSERM est impliqué. Donc je pense que ce modèle, qui est un modèle qui ne peut peut-être pas être décliné partout et à très grande échelle, est un modèle qui fonctionne. Je pense à l'Institut du cerveau et de la moelle, je pense à Imagine. C'est des expériences extrêmement intéressantes qu'il faut poursuivre. Hein. Très bien. Bon, on va dire que c'est une sorte, je sais pas, de surinterprétation du passé qu'on va essayer de laisser sous la table. Parlons alors. On va parler, hein, Gilles Bloch, évidemment, de votre projet, de votre plan stratégique 2021-2025, avec certains points sur lesquels vous avez insisté. Le problème, c'est que vous prenez, la tête de l'INSERM, mais très peu de temps après arrive cette fichue pandémie qui vous tombe et qui nous tombe d'ailleurs à toutes et à tous sur le coin du nez. Est-ce que cette pandémie aujourd'hui, elle remet en cause ce plan stratégique 2021-2025? Alors bon, on a eu la chance d'avoir quand même une année complète 2019 qui a permis de travailler un plan stratégique qui décline vraiment notre ambition collective de la science pour la santé. Et c'est quelque chose qui a été conduit de manière énergique et parce qu'il fallait il fallait tenir un timing puisqu'on vise un contrat d'objectifs et de moyens avec l'État qui démarre en 2021. Mais disons que l'année 2019 a été utile et nous a permis de produire un document qui et ça a été un choix, je pense, bienvenu vu la crise qui arrive derrière. De faire un plan stratégique où on ne mettait pas en avant de manière très notable telle ou telle thématique. C'était un plan que moi j'ai caractérisé de systémique, c'est-à-dire qui essayait d'aider tous les champs d'intérêt de l'INSERM, puisque l'INSERM couvre tous les domaines pathologiques, couvre un large spectre de recherche depuis des modèles cellulaires jusqu'à de la recherche au lit du patient, de la recherche en population. Et donc ce plan qui a vraiment fait l'objet d'une réflexion très collective avec beaucoup de des centaines de personnes qui se sont prêtées au jeu, je pense qu'il reste totalement d'actualité malgré cette crise. Après, je reviendrai si vous le souhaitez sur un certain nombre des points forts de ce plan. Après, il y a un deuxième temps qui est de discuter avec l'État et c'est ce qu'on va commencer à faire les prochains mois. Sur ce contrat d'objectif qui est devant nous. Et là, on va devoir identifier probablement quelques inflexions thématiques avec, on espère en face, des moyens pour aider ces inflexions. Et là, bon, il est clair qu'on n'aura peut-être pas exactement les mêmes priorités thématiques que ce qu'on pouvait imaginer, ne serait-ce qu'il y a un an, et que les enjeux des maladies infectieuses, et en particulier des maladies infectieuses émergentes, qui étaient un enjeu présent, on avait à l'INSERM déjà une structure de veille et de réaction rapide qui travaillait et dans laquelle on mettait des moyens sur ces maladies émergentes. Mais là, clairement, ça va devenir un sujet assez central compte tenu de l'actualité de la COVID-19. Vous avez le sentiment, Gilles Bloch, que l'INSERM a rempli son rôle, a réussi à réagir suffisamment vite face à l'urgence sanitaire, face à la crise que l'on traverse. D'ailleurs, et à quel endroit, justement, pensez-vous que l'INSERM a rempli ce rôle-là lors de la première vague? Alors là, je peux être très très long, donc vous m'arrêtez. on essaie de prendre les choses les unes après les autres. Voilà. D'abord, je le mentionnais, on avait un module qui depuis des années, hein, ça a daté de 2013, travaillait sur les différentes épidémies émergentes qu'on a observées, Ebola, Zika, Chikungunya, et donc très très vite, on avait les informations, on avait les signaux que quelque chose d'un petit peu inhabituel arrivait, et donc les équipes de l'INSERM ont pu établir un agenda de recherche qui était prêt début février, ont pu, avec des moyens que nos tutelles nous mettent à disposition, ont pu amorcer des projets très tôt. Hein, le 10 février, je me souviens, on avait une dizaine de projets qui étaient amorcés. Le 10 mars, on en avait 20 qui étaient annoncés par nos deux ministres. Des projets de recherche concrets, c'est-à-dire quel type de projet? Des projets de recherche concrets. Depuis le montage de grands essais thérapeutiques dont on parlera, on va parler, oui. Voilà, jusqu'à des essais de, jusqu'à des projets de cohorte d'observation de patients, des essais sur le développement du modèle animal le plus pertinent pour pouvoir bien étudier la physiopathologie des vaccins, jusqu'à un projet en sciences humaines sur la communication autour de la crise. Donc des choses très concrètes qui étaient prêtes début mars, et puis derrière, bien évidemment, on a vu arriver des financements importants à travers l'ANR, à travers le PHRC, à travers l'Europe, à travers des fondations. Et donc, je pense que on a pris l'épidémie vraiment tout au début, en mobilisant les équipes. Et donc, je ne vais pas vous asséner trop de chiffres, mais on avait au courant de l'été plus d'une centaine de projets financés qui étaient lancés à l'INSERM. Et donc les financements extérieurs qui font largement vivre l'INSERM, qu'on a pu mobiliser pour lancer ces projets, se comptent en dizaines et dizaines de millions. Et je pense que donc on a été largement au rendez-vous. Et puis maintenant, on voit arriver les fruits, c'est-à-dire les publications qui sortent. Et là, j'ai perdu le compte. On est bien au-delà du millier de publications qui sont sorties. Et ça illustre, je pense, le fait que on a su à l'INSERM, mais je crois plus globalement dans le tissu biomédical français, être réactif, être agile. On a monté des projets dans un temps inouï en termes de réduction du temps. Hein. On a pu monter des gros essais thérapeutiques en quelques semaines. On a pu monter des cohortes en population en quelques semaines, alors qu'habituellement, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans de préparation. Et on voit déjà arriver les résultats à travers ces publications. Donc, je pense que en France, on aime bien s'autoflageller, mais je crois qu'on a vraiment tenu notre rang. Quand on regarde les publications, on est le 5e pays producteur de résultats de recherche sur la COVID-19. Et ce qui est à peu près notre poids sur le globe. 4e, 5e à peu près. Voilà, tous les pays ont travaillé relativement vite. Alors je voudrais revenir, et on va revenir sur une première chose, et puis on reviendra sur l'essai Discovery qui, là pour le coup, a pas été une grande réussite malheureusement. Mais peut-être un mot, parce que vous disiez le 28 août, Gilles Bloch, nous avons souhaité remplir notre rôle d'émetteur public et scientifique en proposant des informations et des recommandations rigoureuses sur l'épidémie au jour le jour. Du point de vue du public, nous avons mené un énorme travail d'information dans un souci de clarté et de transparence vis-à-vis du citoyen. Or, je dois dire qu'avec le recul aujourd'hui, quand on parle au grand public justement de l'information scientifique et médicale sur l'épidémie, ça n'est pas tout à fait la clarté et la transparence qui ressort des témoignages que l'on peut recueillir. Au contraire, on a plutôt eu le sentiment d'une grande confusion dans les différents discours qui ont été tenus. Est-ce que vous avez le sentiment là-dessus qu'il y a quelque chose qui a été raté, il y a quelque chose qui a été mal fait du point de vue de l'INSERM et puis de votre regard également personnel sur la communication générale autour de la pandémie dans la sphère médiatique, par exemple? Ouais. Bon, là-dessus, clairement, il y a eu de la cacophonie, beaucoup trop de prises de parole de scientifiques individuels qui souvent sortaient de leur champ de compétences. Bon, je pense que le débat scientifique, les conjectures et réfutations font vraiment partie de la construction des objets scientifiques, et c'est des constructions collectives. Mais qu'un individu aille devant les caméras étaler ses convictions et qui sont pas toujours étayées par une production scientifique validée collectivement, ça a été un vrai problème. Et je pense que les médias se sont saisis de tous ces individus, les ont mis en visibilité, et je pense que vu du public, ça a été perçu comme un message brouillé. L'INSERM aurait pu avoir un levier sur ce type de communication ? On a agi sur plusieurs fronts. Premier front, on a vraiment été très présent dans la mise à disposition de contenus scientifiques. On n'a jamais autant produit en termes de textes mis sur notre site web, en termes de vidéos. On avait créé il y a quelques temps une chaîne qui s'appelle Canal Détox. J'invite vraiment les auditeurs à aller regarder ça parce que c'est plein de justesse et d'humour. Qu'on a utilisé à beaucoup plus grande échelle, c'est des dizaines et des dizaines de contenus qui ont été produits depuis le printemps pour justement couper court à quelques informations fausses qui ont circulé. Donc on a fait beaucoup plus que d'habitude. Peut-être que c'est pas encore assez et qu'il faut se remobiliser. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on va continuer à agir dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est le premier aspect, mise à disposition d'informations pour dire la science qui se construit collectivement et à laquelle on a participé. Et puis après, je pense qu'il y a une parole institutionnelle qui doit être portée par le PDG quand il peut, par des avocats qui sont validés par les institutions. Et ça, moi, j'ai essayé de le faire là aussi en fonction de mon agenda et de mes compétences. C'est quelque chose qu'il faut sûrement renforcer parce que on a été exposé à un bruit d'individus qui vraiment ne portaient pas une parole consolidée. Mais comment vous expliquez justement, Gilles Bloch, que cette parole institutionnelle, cette parole normalement consolidée qui vient de l'INSERM, elle n'ait pas eu plus de poids dans le débat public par rapport à la parole d'individus isolés et dont le volume médiatique est extrêmement important? Je crois que le volume médiatique, c'est un petit peu vous qui le réglez. Hein. On n'est pas les seuls. voilà. Et on a essayé d'être en proposition. On va monter en puissance encore dans les mois qui viennent. Et je crois qu'on a montré qu'on pouvait être réactif. Après, je pense qu'il y a un vrai sujet de régulation de la parole de nos chercheurs. Et puis on pourra se poser la question aussi pour les enseignants-chercheurs qui peuvent, quand ils sortent vraiment de leur champ d'expertise, quand ils expriment une opinion, quand ils expriment une extrapolation à partir d'un résultat propre, ce sont des messages qui ne sont pas aussi solides que ce que peut porter un collectif, une institution, et je crois que c'est ça qu'il faut renforcer. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Incandescence de Loni à 16h38 sur France Culture. Nous continuons tout au long de ce confinement à soutenir la scène musicale indépendante française à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard. Et nous recevons tout au long de cette heure Gilles Bloch, le président de l'INSERM. On va dire encore un petit mot de la gestion de la pandémie du point de vue de l'INSERM avant de parler du plan stratégique INSERM 2021-2025 et de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Un mot tout de même, Gilles Bloch, sur l'essai européen Discovery. C'est l'INSERM qui était censé le piloter, et de ce côté-là, ça a été un peu, on va dire, je vais vous laisser évidemment me corriger, mais la bérésina, hein, difficulté d'inclusion, pas beaucoup de suivi de la part d'autres pays européens, des résultats fragmentaires, voire inaccessibles. Qu'est-ce qui s'est passé avec Discovery, Gilles Bloch ? Non, je crois qu'il faut être un petit peu plus positif. C'est un essai d'abord de repositionnement de molécules. Quelque part, c'est normal qu'il y ait peu de résultats très positifs. Il y a des résultats négatifs puisqu'on a arrêté sur les quatre bras thérapeutiques, on en a arrêté trois. Mais ça, c'est des résultats quelque part intéressants parce que ça explore des pistes. Et puis, il faut fermer les pistes quand elles ont été pas suffisamment productives. Et c'est un essai qui nous a permis de créer vraiment tout un réseau d'acteurs au niveau national, un réseau d'acteurs au niveau européen, puisque maintenant de plus en plus de pays européens rejoignent Discovery. Ça a été un petit peu lent, un petit peu frustrant, mais maintenant il y a beaucoup de pays qui rejoignent. C'est un essai qui a maintenant été financé par l'Europe, parce que beaucoup de pays ne démarraient pas, parce que tout simplement... Ça a coûté très cher, hein, 5 000 euros par patient, et que c'était difficile à mettre en place, parce que c'est un essai assez exigeant également. Il fallait absolument avoir les 4, voire les 5 bras en même temps, que du coup c'était un essai très contraignant, et que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont emboîté le pas. Voilà, mais maintenant les pays s'y remettent, hein, les pays avec qui on était en contact au printemps qui n'ont pas pu s'organiser maintenant rejoignent l'essai, et on va aborder d'autres molécules. On a vraiment beaucoup appris, et je le dis une nouvelle fois, on a monté ça dans un pas de temps qui était du jamais vu. Et aujourd'hui, donc, il y a toujours un bras thérapeutique actif. On espère. C'est lequel le bras thérapeutique actif? C'est le remdesivir, toujours. Hein. L'opinavir, ça a été arrêté. Hydroxychloroquine aussi. Voilà. Et il y avait l'opinavir et ritonavir qui étaient combinés à l'interféron bêta, ou non. Et donc ça faisait deux bras. Donc tout ça, ça a été arrêté. Et je dirais, c'est la vie des essais thérapeutiques de pas toujours gagner. Quand on regarde au niveau mondial, il n'y a pas de grand succès d'un essai thérapeutique nulle part. Hein. Il y a eu sur des molécules classiques, on a pu montrer que les corticoïdes sont efficaces, mais c'est en soi c'est pas un grand scoop. Hein. C'est rassurant, mais c'est pas un grand scoop. Mais sur des molécules nouvelles, dans l'indication, on a rien découvert de tonitruant aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il faut continuer. Et aujourd'hui, je commençais à le dire tout à l'heure, on a une organisation européenne avec un gros contrat européen que porte aussi l'INSERM, donc EU Response. C'est ça, qui est une sorte de suite de Discovery, en quelque sorte, hein, de prolongement. Et le financement que la Commission européenne met pour que les pays qui n'ont pas pu mobiliser les moyens puissent répondre. Donc, je crois qu'il faut être un petit peu plus positif que vous ne l'êtes. C'est pas moi qui le suis, hein. Ce sont les observateurs en règle générale. Moi, je ne fais que compiler ce qu'on trouve. Et dans l'ensemble, c'est vrai que les essais de Discovery ont tous été jugés quand même particulièrement décevants, avec un manque. Même Yazdan Pana, hein, qui est membre du conseil scientifique, disait le 4 mai dans une interview, franchement, Covid et l'Europe, c'est l'échec. Bah, disons que ça a été lent à se mettre en route, et peut-être que pour une fois, la France a été tellement réactive qu'on a ouvert la voie et qu'on s'est retrouvé un petit peu seul pour conduire cet essai, mais les choses sont en train d'évoluer. Bon, Gilles Bloch, on va passer à ce plan stratégique et à la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. On a beaucoup dit dans ce plan stratégique que vous avez présenté que vous étiez finalement très dans la continuité, quasiment dans les pas, dans les chaussures de votre prédécesseur Yves Lévy. Qu'est-ce qui distingue ce plan stratégique ou votre signature en tant que nouveau président de l'INSERM? Alors, bon, je l'ai dit, et cette fois-là, je l'assume bien, c'est un plan qui était en continuité, parce que l'INSERM est une maison qui était sur une bonne trajectoire, avec des initiatives intéressantes, par exemple, pour financer un certain nombre de programmes thématiques internes à l'INSERM sur des thèmes qu'on veut structurer comme le vieillissement ou comme la recherche sur le microbiote. Et ça, c'est des choses en termes d'orientation scientifique pour faire de la recherche de haut niveau qu'on va continuer avec toujours un mode dominant de bottom-up, c'est-à-dire qu'on fait de la très bonne science parce que cette science, elle est portée par des équipes qui souhaitent creuser un sillon. Là où il y a peut-être eu des inflexions, c'est d'abord d'assumer de manière peut-être plus volontariste le dialogue avec les grands sites universitaires, hein, ce qu'on appelle la politique de site dans notre jargon. Mm-hmm. Là, l'INSERM est vraiment maintenant, je pense, dans un dialogue serein, fréquent, bien organisé pour accompagner les universités et au premier rang les grandes universités de recherche qu'on voit émerger avec des labels IDEX ou ICIT. Et ça, c'est un petit peu nouveau dans la mesure où il y a souvent eu la dialectique entre les organismes nationaux et les universités. Et je pense qu'on peut être dans la construction de grandes universités tout en jouant un rôle national. Ensuite, on voyait venir, puisque la NPR a été mise en chantier le 1er février 2019, on voyait venir rapidement des moyens qui permettaient de préparer des mesures sur les ressources humaines importantes. Et ça, c'est des choses qu'on avait inscrites aussi dans notre plan stratégique, des politiques de rémunération plus dynamiques, surtout sur le volet indemnitaire. Et ça, je pense que ça va pouvoir être mis en œuvre dès l'année 2021 avec les moyens qui arrivent. Il y a deux choses, pardon, je vous interromps, je dis le bloc, parce qu'il y a deux choses là-dedans. Déjà, d'une, peut-être, de manière globale, est-ce que il n'est pas un peu redondant ou difficile de faire vivre un plan stratégique de financement de 4 ans lorsqu'on a un gouvernement qui, de son côté, propose une loi de programmation pluriannuelle? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que vous avez travaillé main dans la main avec le gouvernement? Parce que quand on regarde les deux, on a l'impression que ça va dans le même sens, et parce qu'on entend par ailleurs des critiques de l'un et de l'autre qui, elles aussi, vont dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens plus général, et je vais vous laisser réagir à cette proposition-là, d'une plus grande précarisation, c'est-à-dire plus de contrats précaires pour les chercheurs qui se plaignent déjà beaucoup d'être très précarisés depuis de nombreuses années. Bon, pour répondre à la première partie de votre question, bon, la loi de programmation, elle a été construite dans une discussion avec beaucoup d'acteurs du paysage de la recherche et de l'enseignement supérieur, dont l'INSERM. Moi, j'ai été auditionné comme beaucoup de collègues, et on a exprimé un certain nombre d'attentes sur des moyens globaux, et ça, on a vu qu'ils étaient inscrits. Ensuite, la LPR ne décline pas opérateur par opérateur ce qu'on va faire dans les années qui viennent. Donc, ça nous laisse toute la marge de discussion sur des modalités d'organisation, sur des priorités transversales comme la politique de site ou sur des priorités thématiques comme la santé mentale ou la santé publique sur lesquelles on aura peut-être le temps de revenir. Et donc, moi, je crois que le cadre de la LPR nous laisse vraiment des grandes marges de manœuvre dont on va se saisir au niveau financement. Sur le sujet de la précarité, puisque vous appelez ça comme ça, bon, le débat porte essentiellement sur les chaires juniors ou les recrutements de professeurs à titre conditionnel, hein, mais c'est un petit volume de postes qui va être créé. Hein. La commission mixte paritaire a atterri sur 20% des concours directeurs de recherche. Donc pour l'INSERM, si les chiffres sont stables par rapport à ce que l'on promeut actuellement ou ce que l'on recrute en directeur de recherche, ça va représenter peut-être 7, 8 recrutements par an sur une nouvelle modalité. bon, à mettre en face de 60 chercheurs par an qu'on recrute déjà, et on espère peut-être plus avec les moyens supplémentaires de la LPR. Donc je pense que on est dans un discours qui est normal, hein, de refus de nouveaux outils d'entrée dans la carrière. Mais si on regarde les chiffres calmement, on n'est pas en train de bouleverser le système. On va continuer à recruter très majoritairement des chercheurs fonctionnaires, des ingénieurs, des techniciens et des administratifs, avec des moyens augmentés. On va pouvoir mieux les rémunérer, on va pouvoir mieux les promouvoir. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut tous se féliciter. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Hein. Il y a ce que vous venez d'évoquer. Il y a la question, évidemment, des contrats de mission. On a le sentiment, et alors moi, je ne parle évidemment pas à titre personnel, mais en tout cas, quand on lit les critiques, et notamment de la part des syndicats qui ont l'impression que c'est un nouveau, une nouvelle couche de précarité ou un nouveau contrat précaire qu'on vient ajouter à un dispositif qui est déjà très précarisant. Et alors, je vous soumets ce chiffre, mais que j'aimerais que vous commentiez, Gilles Bloch, puisque les syndicats indiquent que l'INSERM est l'opérateur national avec la plus grande précarité en son sein, jusqu'à 39% des salariés, c'est exact ce chiffre ? Alors, vous pouvez refaire le calcul, hein. On a aujourd'hui 5 000 fonctionnaires et on a à peu près 3 000 contractuels, donc on est sur un chiffre qui ne doit pas être loin de ce que vous venez d'annoncer, et c'est quelque chose qui est dans notre bilan social et qu'on assume totalement, et ça c'est lié, je dirais, à la structure de notre fonctionnement, avec beaucoup beaucoup de recherche qui est menée sur contrat, hein, l'INSERM vit avec à peu près un tiers de son budget qu'on va chercher sur des contrats, et donc ça limite la capacité à stabiliser des fonctionnaires d'emblée. Par contre, je pense qu'il faut regarder le contrat de mission, et là, bon, on a le droit de pas être d'accord avec les organisations syndicales. Il faut regarder ces contrats de mission comme une possibilité de garder des personnes dans nos laboratoires plus longtemps, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que au bout de 5-6 ans, c'est le fameux couperet. Voilà, parce qu'il y a un effet couperet. On s'en sépare ou on les titularise, c'est ce que disent les organisations syndicales, hein. C'est ce qu'ils disent, qu'après, normalement, après justement ce fameux couperet de 6 ans, l'étape suivante, normalement, c'est une titularisation, et là ça permet au contraire de prolonger encore une forme de précarité. Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement plus philosophique, si vous voulez, sur la structure de la recherche en France aujourd'hui, qui n'est effectivement certes pas celui qui est proposé a priori dans l'esprit de cette LPR, mais de dire que plutôt que de développer des contrats de recherche, c'est-à-dire de la science orientée, de la science sur contrat, de redonner un peu d'espace, d'air aux chercheurs qui réclament justement un peu plus d'argent pour les laboratoires, un peu plus de postes de titulaires, un peu plus de recherche au long cours. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Bloch ? Non, je crois qu'il faut rassurer les collègues, parce qu'il y a beaucoup de messages anxiogènes qui sont véhiculés. D'abord, les moyens pour les laboratoires, ils vont augmenter massivement. C'est-à-dire que quand on augmente les moyens de l'ANR d'un milliard, c'est l'Agence nationale pour la recherche. Hein. Voilà, l'Agence nationale pour la recherche, c'est pour financer de la recherche dans les laboratoires de l'INSERM et bien sûr d'autres universités et organismes. Et c'est très bien. Et on va, parce que je pense que la recherche financée sur projet, c'est quelque chose qui fonctionne dans le monde entier. Avec l'Agence nationale de la recherche, on avait pris, je pense, une initiative intéressante, mais on n'était pas allé jusqu'au bout, puisqu'on avait vu le taux de succès des appels d'offres diminuer au fil des années. Et puis, malgré l'intention initiale, les coûts indirects n'étaient pas correctement pris en charge. Hein. Je vous interromps juste un instant, Gilles Bloch, excusez-moi, juste pour préciser pour les auditrices et les auditeurs, parce que l'ANR dont vous avez été le dirigeant pendant une année est souvent très critiqué, non pas pour la quantité d'argent qu'elle distribue, mais pour le faible taux de succès. On est aux alentours de 15 ou de 16% en 2019, là où pour les ERC, c'est-à-dire les bourses européennes qui sont à peu près similaires, on est aux alentours de 25%. Comment faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il suffit juste de refinancer l'ANR ou est-ce que, il n'y a pas là aussi quelque chose à faire pour éviter de scinder les budgets sur des contrats de projet petits, difficiles d'accès, qui font perdre beaucoup de temps aux chercheurs et qui, là aussi, participent d'une certaine précarisation générale ? Non, mais là, je pense que le financement type ANR sur projet peut être la meilleure des choses si on a des taux de succès qui sont suffisants. Et là, l'ambition, c'est vraiment de remonter à des taux de succès autour de 25-30%, ce qui est une bonne norme internationale. Mm-hmm. Quand l'ANR a été lancée en 2005, on était à plus de 25% de taux de succès, hein, ce qui était, le bon calibrage. L'autre élément, c'est peut-être un peu technique, mais je pense que pour les auditeurs, c'est intéressant, c'est que quand on finance un projet de recherche dans un laboratoire, il y a tout un environnement. Il faut payer des locaux, il faut payer la cantine, il faut payer des choses qui sont pas payées directement dans le laboratoire. Et donc, ces coûts indirects, aujourd'hui, ne sont pas pris en charge à la hauteur de la réalité économique. Nous, à l'INSERM, on estime qu'on a des taux des coûts indirects autour de 30%, et aujourd'hui la moyenne ANR, c'est plutôt en dessous de 20%. Donc la LPR va permettre aussi d'augmenter cet abondement financier qui vise à couvrir les coûts indirects, et ça, quelque part, ça va redonner des marges aux organismes de recherche, aux universités, pour pouvoir dégager ce qu'il faut pour faire de la politique scientifique, pour faire éventuellement des mesures d'emploi un petit peu plus dynamiques. Mais pour moi, le but n'est pas forcément d'augmenter de manière massive l'emploi statutaire. Je pense qu'on a un format à l'INSERM qui est assez équilibré quand on regarde dans le monde entier comment ça fonctionne. Et vous avez 40% de précarité, c'est pour vous un format relativement équilibré? Regardez un petit peu ce qui se passe au Royaume-Uni, regardez ce qui se passe en Allemagne, on est sur des choses qui sont comparables. On entend bien, Gilles Bloch, hein, que vous êtes assez en accord avec encore une fois, la philosophie de cette loi gouvernementale. La question aujourd'hui, et ce sera peut-être la question de la fin, c'est que on a le sentiment de plus en plus, et là pour le coup je parle en tant qu'observateur depuis quelques années, justement de l'évolution des rapports qu'il peut y avoir entre l'institution d'une part et les chercheurs d'autre part, une sorte de fracture qui ne va pas en se résorbant, mais qui va plutôt, et ça c'est vraiment un sentiment que je vous soumets, en s'agrandissant avec une volonté de plus de moyens, de plus de longueur de temps, et de l'autre côté, eh bien finalement des lois ou des programmations qui vont vers plus de projets, plus d'applications, plus de temps court, plus de précarité. Est-ce que vous partagez ce point de vue, ou est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens de le résorber, cette fracture? Non, moi, aujourd'hui, ce que je lis, hein, dans la LPR, c'est des rémunérations nettement en hausse pour les fonctionnaires. Et ça, je pense que c'est un élément de confort et d'attractivité important pour notre recherche. C'est plus de moyens pour les laboratoires, parce que, comme je l'ai dit, le milliard supplémentaire pour l'ANR, ça va permettre d'être plus efficace pour financer des projets plus gros avec des taux de succès plus élevés, et des moyens pour les établissements à travers une part de contractualisation dont on n'a pas le temps de parler, mais qui représente aussi des gros millions d'euros, et puis une part d'abondement financier qui va permettre de redonner de l'oxygène aux établissements. Donc je pense qu'il faut bien sûr écouter les inquiétudes et dialoguer. Mais vous ne ressentez pas cette fracture ou cette divergence entre d'une part... Moi, je passe ma vie à rencontrer des gens à l'INSERM. Mm-hmm. Très sincèrement, je ne suis pas interpellé tous les jours sur les sujets que vous pointez. Je pense qu'on est dans un monde ouvert, on est dans des collaborations internationales où on voit comment ça fonctionne ailleurs. Et le gouvernement est en train de donner des moyens massifs et inédits après... 11, 12 ans de vache maigre, et je pense qu'il faut s'en saisir et plutôt s'en réjouir. Merci beaucoup Gilles Bloch d'avoir été avec nous tout au long de cette heure et d'être venu nous parler bien de cette LPPR et puis plus généralement de l'INSERM en temps de Covid. On sera ravis de vous réinviter d'ici quelques mois pour parler un peu bien de la suite et de l'évolution de votre direction. Je vous rappelle bien à toutes fins utiles qu'après avoir parlé de santé, si jamais vous vous intéressez à l'espace, je remets un petit coup de promotion, d'autopromo, le livre que j'ai pu signer avec Mathieu Lefrançois aux éditions EPA est en librairie accessible. Vous pouvez y trouver des des entretiens avec cinq grandes astrophysiciennes et astrophysiciens autour des grandes questions que l'on se pose sur eh bien, le futur de la recherche en astrophysique. Voilà. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Yves Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. Demain, une autre émission spéciale d'un tout autre type suite à la disparition du très regretté Joseph Alterac cette semaine, certainement le plus important historien français de la science-fiction. Nous rediffuserons en son hommage demain l'émission de 2018 dans laquelle il était venu nous présenter avec son camarade Guy Coste son indispensable dictionnaire de la science-fiction francophone, Rétrofiction. Voilà, ce sera demain à 16h. Un petit mot pour vous dire qu'on se retrouve avant ça demain à 7h15 pour la radiographie du coronavirus autour de ce vaccin de Pfizer. Et sinon, eh bien, ce sera à 16h jusqu'à preuve du contraire.